travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Notre régime politique ne se propose pas pour modèle les lois d'autrui. Comme les choses dépendent non pas du petit nombre, mais de la majorité, c'est une démocratie. Nous pratiquons la liberté non seulement dans notre conduite d'ordre politique, mais pour tout ce qui est suspicion réciproque dans la vie quotidienne. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Là, les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire, les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. On s'était bien trompé. On avait nourri bien des illusions dans les années 1990 chez ceux qui avaient annoncé qu'après l'effondrement de l'URSS couplé avec la fin des conflits coloniaux, la démocratie était vouée, grâce à la paix, à triompher bientôt sur toute la planète. On se souvient que le professeur Francis Fukuyama avait ainsi prédit la fin de l'histoire, autrement dit le triomphe du modèle politique des États-Unis tout autour de la Terre selon une logique incoercible. Hélas, hélas, le 21e siècle s'est déjà chargé de faire voler en éclats cette belle illusion en nous rappelant que les relations entre la guerre, la paix et la démocratie qui vont nous occuper ce matin étaient bien plus compliquées que cela. Certes, une défaite existentielle à raison de presque tous les régimes. Les cas récents de la France comme de l'Allemagne nous l'ont assez appris. Pour ne pas parler du Japon en 1945, ou plus près de nous, de l'Argentine par exemple, dans l'affaire des Malouines. Mais on ne peut pas s'en tenir à cette simple observation. Et afin d'approfondir la réflexion dans ce domaine, nous allons braquer l'attention sur un cas particulier, celui de la guerre dite du Péloponnèse, qui opposa Athènes à Sparte au cours des trois dernières décennies du IVe siècle avant notre ère. On a accoutumé de parler d'Athènes comme de la mère des démocraties. Il est donc pertinent de considérer, en comparaison avec notre temps, quels effets ces hostilités ont eu sur la marche d'un régime qui demeure si prestigieux, mais aussi quelle influence la nature même de ce régime a pu avoir sur la conduite de la guerre. Mon invité, Vincent Azoulay, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, appartient à une nouvelle génération de brillants historiens de l'Antiquité qui bouscule beaucoup d'idées reçues. Il a le goût manifeste des rapprochements entre le passé et le présent. Je me devais, par conséquent, de le convier et c'est chose faite. Et nous commençons par les premières phrases de Thucydide, historien immortel de la guerre du Péloponnèse. Thucydide d'Athènes a raconté comment se déroula la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens. Il s'était mis au travail dès les premiers symptômes de cette guerre. Et il avait prévu qu'elle prendrait de grandes proportions et une portée passant celle des précédentes. Il pouvait le conjecturer parce que les deux groupes étaient, en l'abordant, dans le plein épanouissement de toutes leurs forces. Et d'autre part, il voyait le reste du monde grec se joindre à chaque camp, aussitôt ou en projet. Ce fut bien la plus grande crise qui émut la Grèce et une fraction du monde barbare. Elle gagna, pour ainsi dire, la majeure partie de l'humanité. Vincent Azoulay, bonjour. Bonjour, Jean-Noël Jeannet. Il m'a paru bienvenu d'ouvrir notre conversation en nous appuyant sur l'œuvre immortelle de Thucydide, une œuvre qui continue d'éclairer cette période de la guerre du Péloponnèse, même si dans votre génération et peut-être avant, vous remettez en cause un certain nombre des évidences qu'il s'efforce de nous imposer. Oui, Thucydide est l'un des premiers historiens, tout court, c'est-à-dire un homme qui non seulement raconte le passé, parce que cela on l'a fait à toutes les époques, mais qui s'emploie à essayer de comprendre les causes des événements, et notamment ici, les causes de cette fameuse guerre du Péloponnèse. Thucydide nous livrant le premier raffinement en termes de démarche historique, qui est de distinguer les causes superficielles et les causes profondes d'un événement. En même temps, il s'affirme comme un historien du temps présent, comme nous dirions aujourd'hui. Tout à fait. Sans distance, puisque sa vie pratiquement accompagne l'ensemble de ce conflit majeur. Elle coïncide vraiment avec ce conflit, d'autant qu'il en est un acteur, puisqu'il a été stratège, donc général de l'armée. Il y en avait 10 chaque année, élu par le peuple, mais un stratège malheureux qui, échouant à sauver Amphipolis, va être exilé par les Athéniens, et c'est en exil qu'il va commencer à écrire son œuvre en Thrace, dans le nord de la Grèce actuelle. Et c'est d'ailleurs de cette position d'exilé qui lui permet de voir les deux côtés et d'essayer de mieux comprendre les causes des événements et de distinguer causes superficielles et causes profondes. L'exil a partie liée avec la création de l'histoire. Tous les premiers historiens sont des exilés. C'est quelque chose que Pascal Payen notamment très bien montré. Bienheureux exil, par conséquent, pour nous. Disons que la guerre du Péloponnèse est effectivement le moment où l'exil devient extrêmement fréquent, souvent destructeurs, parce que ce sont souvent des exilés qui vont remettre en cause les régimes politiques en place, et notamment la démocratie à la fin de la guerre du Péloponnèse, mais aussi effet créateur lorsqu'il s'agit des historiens qui ainsi peuvent se déprendre de la vision de leur propre camp. Alors je voudrais que vous nous rappeliez à grands traits, même si chacun la connaît très bien, que vous repreniez à grands traits la chronique de cette guerre du Péloponnèse, pour la situer. Une guerre dont Thucydide nous dit que c'est une guerre mondiale. Oui, ce qui certainement maintenant ferait un peu sourire les partisans d'une histoire globale ou mondiale. La Chine existait dès ce moment-là. Exactement, elle existait fort bien. Mais effectivement, c'est une histoire qui a ébranlé, on va dire, en tout cas, toute la Méditerranée orientale, voire la Méditerranée tout entière, lorsque cette guerre se transporte en Sicile vers la fin du conflit. Il évoque les guerres médiques qui l'ont précédé. Rappelez-nous tout ça. La démocratie athénienne, disons, apparaît à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, et cette démocratie va affronter une première épreuve, ce sont les guerres médiques avec d'autres cités grecques, hein, les guerres médiques qui opposent un certain nombre de cités, Athènes, mais aussi Sparte pour la seconde guerre médique, et l'Empire perse, un immense empire territorial dont le centre de gravité se trouve en gros en Iran actuel, a priori beaucoup plus puissant, mais qui va connaître la défaite face à ces petites cités coalisées, mais seulement une fraction d'entre elles, en 480. Et ça va être le coup d'envoi pour Athènes d'un mouvement à la fois de démocratisation de la communauté, parce que pour vaincre les Perses, il a fallu que les rameurs, et donc les plus pauvres Athéniens, ceux qui n'ont que leurs bras pour combattre et non pas une panoplie qui leur est extrêmement coûteuse, qui leur permet de combattre l'ennemi. Donc cette démocratie des rameurs qui a lutté victorieusement contre les Perses. On voit l'ambivalence des choses parce que dans l'histoire, très souvent, la guerre, au contraire, a poussé à un recul de la démocratie. Oui, alors que là, c'est un coup de fouet pour la démocratisation de la cité, en même temps que se met en place, à la suite de ces guerres, un impérialisme athénien assez vite, c'est-à-dire qu'Athènes regroupe autour d'elle environ 200 cités, et qu'elle va très rapidement mettre sous sa coupe et exploiter, notamment financièrement, sous prétexte, alors ce n'est pas entièrement un prétexte, mais de continuer la lutte contre les Perses, mais bientôt un traité de paix dans les années 440 est signé, donc la Ligue de Délos qui est regroupée autour d'Athènes, donc pour en principe maintenir les Perses hors de la mer Égée, n'a plus vraiment d'objet, mais Athènes va continuer à l'exploiter, tant et si bien qu'elle devient une cité extrêmement puissante, prospère, se couvrant de temples magnifiques, dont le fameux Parthénon. Avec l'argent des colonies d'ailleurs, je ne sais pas si vous parlez des colonies sans être anachronique. Peut-être pas des colonies, on va dire des alliés devenus sujets. Ils restent indépendants, mais c'est vrai qu'ils doivent donner tous les ans une contribution, et une contribution dont Athènes soustrait une partie pour alimenter sa politique grandiose d'affirmation d'elle-même à travers ses monuments. Disons. Donc une décennie très, très brillante de paix et de domination sur la région. Seulement, il surgit une rivalité, celle de Sparte. Et oui, Sparte, qui avait participé aux guerres médiques, a vu avec de plus en plus de peur la montée en puissance d'Athènes avec sa ligue. Et c'est la peur face à la montée en puissance d'Athènes qui explique, d'après Thucydide, la guerre du Péloponnèse. On retrouve cette distinction entre cause superficielle et cause profonde, puisque qu'est-ce que nous dit Thucydide ? Qu'il faut distinguer les affaires circonstancielles qui ont allumé la guerre du Péloponnèse, l'affaire de Potidée, de Mégare, mais qui sont en réalité simplement des étincelles qui viennent faire prendre un feu alimenté depuis longtemps et alimenté par la peur des Spartiates face à la montée de l'hégémonie athénienne. Donc c'est peut-être le lieu de rappeler que, de façon tout à fait contemporaine, un certain nombre d'analystes de notre conjoncture évoque la possibilité d'un rebond du principe de Thucydide en pensant non pas à Athènes et à Sparte, mais aux États-Unis et à la Chine. Tout à fait. C'est le piège de Thucydide, comme le disent un certain nombre de politistes, notamment états-uniens, face auxquels on se trouverait, et notamment avec tous les risques de conflits et d'embrasements qui peuvent survenir, notamment entre la Chine et les États-Unis. Alors rappelez-nous les grandes étapes de ces trois décennies de guerre entre Athènes et Sparte, Sparte plus continentale et Athènes plus ouverte à une action maritime. Oui, Athènes, avec sa flotte, peut notamment vivre quasiment en autarcie en faisant venir un riche approvisionnement depuis l'ensemble de la Méditerranée et lutter pied à pied face à Sparte qui a l'avantage sur le plan des troupes terrestres et qui pendant tout le début de la guerre du Péloponnèse vient investir le territoire athénien, le ravager périodiquement, mais sans véritablement causer de grands dommages à la cité d'Athènes. En poussant tout de même les paysans, le monde rural qui est alentour, de venir se réfugier derrière les longs murs d'Athènes. Et ce n'est pas rien, évidemment, cela crée beaucoup de mécontentement et cela favorise la propagation d'une épidémie alors on parle de peste, mais c'est probablement une forme de typhus qui emporte un quart de la population athénienne. Dont Périclès. Dont Périclès. Votre cher Périclès, dont vous avez fait la biographie, je vous avais invité naguère pour en parler. Tout à fait. Dont Périclès et ses enfants légitimes et bien d'autres encore. Alors retracez un grand trait, si vous le voulez bien, je vous oblige à courir la poste, les moments majeurs de cet affrontement avec, pour chacune des deux cités, de bons moments et de plus mauvais. Oui, disons deux grands moments séparés par une paix armée. Deux moments qui durent à peu près 10 ans chacun. Avec deux guerres dans une. Deux guerres dans une, et c'est d'ailleurs le génie de Thucydide de les tisser entre elles, ces deux moments, ce qui n'était pas fait par les Athéniens. Encore au IVe siècle, ils parlaient d'une guerre de 10 ans ou de deux guerres de 10 ans, mais n'avaient pas l'idée de les rassembler. C'est le génie de Thucydide de les avoir ainsi reliés. On a bien parlé au XXe siècle d'une guerre de 30 ans entre 1914 et 1945. Mais c'est comme si cette expression de guerre de 30 ans était celle qui était aujourd'hui consacrée. Et ça, c'est quand même le génie de Thucydide d'avoir réussi à faire passer à la postérité cette idée d'une guerre du Péloponnèse, alors qu'il faudrait en réalité parler de deux guerres du Péloponnèse. Donc entre 431 et 421, un premier conflit où Athènes profite de sa supériorité maritime pour tenir tête à Sparte qui, elle, vient donc périodiquement ravager les champs athéniens. Et puis après une sorte de match nul de trêve en 421. On a une période intermédiaire qui va être rompue par la volonté d'Athènes de projeter sa puissance au-delà de la mer Égée, vers l'Occident, ce que les Grecs appellent la Grande Grèce. La Sicile. La Sicile, terre de Cocagne. Et néfaste pour Athènes, un lieu terrible. Exactement, puisque Athènes donc, va projeter sa puissance maritime vers la Sicile, ce qui va réenclencher cette guerre du Péloponnèse, Sparte venant à l'appui des Syracusains, et Athènes perdant tout le corps expéditionnaire, 10 000 citoyens, mais il faut se représenter que c'est plus du quart du corps civique. Donc, en termes de proportion, c'est bien plus que la guerre de 14 et la guerre de 39-45 en termes d'impact démographique sur la population civique athénienne. Le récit qu'en donne Thucydide est terrifiant. terrifiant, puisque en 413, les derniers prisonniers sont entassés dans les carrières de Syracuse, les Latomies, et qu'ils y meurent comme des mouches, sauf, dit-on, ceux qui étaient capables de réciter des vers d'Euripide. Démographiquement, il faut donner une idée, en effet, de ce que cela représentait par rapport à... Combien il y avait d'habitants, on le sait à peu près, à Athènes, et combien sont morts dans ces conditions c'était des mâles en âge de procréer. Alors, on pense que la population faisait entre 350 et 400 000 habitants, mais là, je parle des citoyens, des citoyennes, des enfants, des métèques, donc les étrangers domiciliés et des esclaves. Là-dessus, alors, en 431, on pense qu'il y avait entre 50 000 et 60 000 citoyens, mais à l'issue de la guerre, certainement pas plus de 20 ou 25 000. Donc, plus de la moitié du corps civique disparaît au cours du conflit, avec la peste, l'expédition de Sicile, puis toute une série de batailles sanglantes. Nous reviendrons sur les conséquences sur la démocratie de cet effondrement démographique. La fin de l'histoire, s'il vous plaît. C'est qu'effectivement, après cette expédition de Sicile, avec des hauts et des bas, le pouvoir d'Athènes va être vaincu par les Spartiates. Spartiates qui vont constituer une flotte grâce à l'argent des Perses. Une flotte qui va leur permettre de rivaliser avec Athènes sur les mers. Les Perses ont donné de l'argent à Sparte contre Athènes, en somme. En même temps, les Spartiates étaient aussi de la partie pendant les guerres médiques. Donc, voilà, un jeu d'équilibre que les Perses savaient très bien mener et qu'ils vont continuer d'ailleurs à conduire au IVe siècle. Et donc, grâce à cette flotte, et notamment à Lysandre, de leur navarque, ils vont définitivement prendre l'avantage... C'est l'amiral. Donc, grâce à Lysandre, ils vont prendre définitivement l'avantage En 405, c'est la grande bataille d'Aigos Potamos, 3000 citoyens athéniens encore massacrés. On se trouve dans le nord de la Grèce, c'est une bataille maritime. Et c'est la fin de la guerre et bientôt la fin de la démocratie. Athènes est l'objet d'un siège de la part des Spartiates et en avril 404, elle se rend. Elle se rend et la démocratie est renversée. Arrive un groupe d'oligarques qui vont en effet refouler pour quelques mois la démocratie. Des anciens exilés, on parlait de l'exil, il y avait eu, après l'expédition de Sicile, une première révolution oligarchique, brève, avec déjà le renversement de la démocratie par un certain nombre, une fraction des élites athéniennes qui, à ce moment-là, se sentaient pousser des ailes avec les défaites athéniennes et qui voulaient reprendre l'ascendant dans la communauté. Cela avait fait long feu, notamment grâce à la révolte des soldats qui se trouvaient stationnés à Samos, donc au large de la Turquie, sur les trières athéniennes et qui ne l'avaient pas entendu de cette oreille, menée par le grand Thrasybule, un acteur dont on va peut-être reparler tout à l'heure. Je le souhaite. Et c'est donc cette flotte athénienne qui va mettre fin à cette expérience oligarchique en 411 et exiler une bonne part des responsables. Et ce sont ces exilés qui, revenant dans les bagages des Spartiates en 404, vont instaurer un régime oligarchique beaucoup plus dur, qu'on appelle les 30, une tyrannie collective, une oligarchie brutale qui, pendant 8 à 9 mois, va... purger la cité d'une bonne partie de ses citoyens, limitant le corps civique à 3000, pas un de plus, 3000 Athéniens, donc sur 20 à 25 000, donc vous voyez, plus que 15% de la population qui peut se dire citoyenne, et donc protégée juridiquement. C'est un temps d'incertitude et un temps de grande violence, les chiffres varient, mais on parle entre 1500 et 2500 morts pour les exécutions menées par les 30 durant cette période de 8 mois. Sur quoi les démocrates reviennent, c'est cette année essentielle de 403 auquel vous consacrez votre beau livre que vous signez Vincent Azoulay avec Paulin Ismar, Athènes 403. Le sous-titre c'est une histoire chorale, vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure, mais naturellement si vous parlez de 403, vous parlez aussi de l'ensemble de la guerre. Et vous avez ceci d'original qui aurait surpris les maîtres que j'avais à la Sorbonne autrefois, c'est que vous refaites des biographies. Vous pensez qu'à travers les biographies d'un certain nombre de personnages, on peut voir plus profond. Plutarque vous a inspiré, Plutarque, Azoulay, même combat ? Pas tout à fait. Disons que c'est lié justement à ce projet d'histoire chorale. C'est-à-dire qu'on part toujours d'une biographie, 10 personnages qui nous permettent de raconter cette histoire de sang et de fureur, qui est la guerre civile athénienne qui ponctuent la fin de la guerre du Péloponnèse, mais ce sont toujours des biographies qui sont saisies au prisme du collectif, c'est-à-dire du cœur, puisqu'un cœur antique, c'est quoi ? C'est un collectif d'hommes qui chantent et dansent ensemble, avec parfois un coryphée, donc un chef de cœur, et c'est ce personnage, ce coryphée, que nous permettent d'apercevoir les sources, dont nous retraçons l'histoire, mais toujours entouré de son cœur ou de ses cœurs, ces groupes qui se composent et se recomposent à la faveur du traumatisme de la guerre civile. Cette période des oligarques, même brève, est importante. On ne s'étonne pas que nous précédant dans le champ des concordances des temps, Jules Isaac, vous savez, le grand historien, célèbre notamment pour les manuels qu'il avait signés avec Mallet, a écrit à la fin de la période de Vichy, va-et-vient de l'histoire, un livre qui s'appelait « Les oligarques » et avait comme sous-titre « Essai d'histoire partiale, concordance des temps ». Ah oui, tout à fait. Il l'a publié finalement après la guerre. C'est une manière de rendre hommage, effectivement, au triomphe de la démocratie. Oui, puisque, effectivement, la démocratie est restaurée quelques temps plus tard. Donc, on a la date, pour une fois, c'est suffisamment rare en histoire ancienne pour le noter, le 12 de Boédromione 403, c'est-à-dire fin septembre, début octobre, une date que célèbrent ensuite les Athéniens durant toute leur histoire, date de la libération de la tyrannie. Cela raconte comment une démocratie, abattue, se reconstruit et se recompose sur de nouvelles bases. Et donc, comment on fait avec les crimes du passé? Comment on refait communauté malgré le sang qui a coulé entre concitoyens? Donc effectivement, avec l'époque de Vichy et puis ensuite l'épuration et la restauration d'un régime républicain, une concordance des temps évidente. Alors je voudrais que nous en venions maintenant à une évocation de ce que peut être la démocratie athénienne, avant de voir les effets de la guerre, ou l'idée que s'en font en tout cas un certain nombre de ses acteurs, dont Périclès, votre cher Périclès. Deuxième extrait de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, j'ai l'extrait de l'émission Une vie, une œuvre sur France Culture, le 27 novembre 1997. C'est l'oraison funèbre que propose Périclès, en hommage aux morts de quelle bataille ? 431, c'est après les premières campagnes de la guerre. Et où il évoque la spécificité de la démocratie athénienne, non sans quelque satisfaction. Et vous nous direz ensuite, Vincent Azoulay, si cette description est conforme à l'idée que vous faites de ce régime rétrospectivement. Notre régime politique ne se propose pas pour modèle les lois d'autrui. Et nous sommes nous-mêmes des exemples, plutôt que des imitateurs. Pour le nom, comme les choses dépendent non pas du petit nombre, mais de la majorité, c'est une démocratie. S'agit-il de ce qui revient à chacun ? La loi, elle, fait à tous, pour leurs différents privés, la part égale, tandis que pour les titres, si l'on se distingue en quelques domaines, ce n'est pas l'appartenance à une catégorie, mais le mérite qui vous fait accéder aux honneurs. Inversement, la pauvreté n'a pas pour effet qu'un homme, pourtant capable de rendre service à l'État, en soit empêché par l'obscurité de sa situation. Nous pratiquons la liberté non seulement dans notre conduite d'ordre politique, mais pour tout ce qui est suspicion réciproque dans la vie quotidienne. Nous n'avons pas de colère envers notre prochain s'il agit à sa fantaisie, et nous ne recourons pas à des vexations qui, même sans causer de dommages, se présentent au dehors comme blessantes. Malgré cette tolérance qui régit nos rapports privés dans le domaine public, la crainte nous retient avant tout de rien faire d'illégal, car nous prêtons attention aux magistrats qui se succèdent et aux lois, surtout à celles qui fournissent un appui aux victimes de l'injustice ou qui, sans être loi écrite, comporte pour sanction une honte indiscutée. C'est une autosatisfaction légitime ou qu'il convient de nuancer, Vincent Azoulay ? Ah, bien sûr, c'est une oraison funèbre. Alors, c'est un moment d'idéalisation du régime démocratique qui est placé dans la bouche de Périclès par Thucydide, qui a assisté à la scène. Donc, on est en 431. Juste avant la mort de Périclès, qui est, comme vous le disiez, deux ans plus tard. Mort de la peste. Oui, mort de la peste. Mais là, la guerre est encore belle, j'ai envie de dire. Certes, l'épidémie vient de commencer, mais la situation est quand même solide pour Athènes. Et Périclès, donc, au cimetière du Céramique, devant les ossements des soldats morts pour la patrie, fait l'éloge, alors des morts, mais à travers eux, du régime démocratique. C'est notre cours des Invalides. Exactement. C'est exactement cela, et sauf qu'on choisit donc un orateur chaque année pour faire cet éloge des morts. Et là, lors de cette première année de guerre, c'est Périclès qui est désigné et qui va donc délivrer ce magnifique morceau de rhétorique qui est aussi, il faut toujours le penser, une façon de remobiliser la population face à l'adversité. Réécrit probablement en partie par Thucydide. Réécrit, même s'il y a assisté, c'est aussi et autant du Thucydide que du Périclès qui, lui, ne nous a laissé aucun écrit, malheureusement. Il n'y avait pas de sténotypie à l'époque, probablement. Absolument pas. Mais disons que ce n'est pas certainement le discours le plus divergent par rapport à ce qui a pu se passer qu'on trouve dans l'œuvre de Thucydide. Alors cette démocratie, comment peut-on la définir au moment où elle a affronté la guerre, à la fois les effets de la guerre sur elle et la manière dont elle peut la gérer? C'est une démocratie directe, entièrement masculine, c'est-à-dire que les droits civiques sont étendus aussi en réalité aux femmes, mais celles-ci n'ont pas accès aux institutions politiques. Elles ne peuvent pas assister aux assemblées, participer aux conseils ou aux tribunaux populaires. Et c'est donc une démocratie directe, ce qui est une première grande différence avec la nôtre, et une démocratie qui contrôle de façon extrêmement stricte ceux auxquels est déléguée une fraction d'autorité, c'est-à-dire les magistrats. Les stratèges, notamment. Les stratèges. Et puis aussi tous ceux qui parlent à la tribune et qui sont comptables des propositions qu'ils font, ce qui est une différence aussi avec aujourd'hui. Tirage au sort abondant. Tirage au sort abondant pour les magistrats, pour les juges, pour les conseillers qui préparent les lois et les décrets votés à l'Assemblée, mais aussi élections notamment pour un certain nombre de magistratures, et notamment les magistratures militaires comme les stratèges, aussi un certain nombre de magistratures financières, sachant que le principe est toujours d'essayer d'empêcher la monopolisation du pouvoir par une petite caste, et donc le plus possible d'empêcher des formes d'itération, c'est-à-dire à la fois de cumul des mandats et de renouvellement des mandats dans le temps, avec une exception, la stratégie. Le fait d'être stratège, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois, même si on doit être réélu chaque année par l'Assemblée, et qu'on est toujours susceptible, chaque mois, d'être éventuellement déposé de sa charge. Ce qui empêche évidemment d'assimiler Périclès à un monarque ou à un président de la Ve République. Une sorte de mandat impératif qui peut être remis en cause constamment. Constamment, et Périclès, non seulement a risqué l'ostracisme, c'est-à-dire le fait d'être exilé pendant 10 ans sans avoir besoin de motiver cette décision autrement que la peur de voir une influence trop grande d'un citoyen. L'ostracisme, ça vient, il faut le rappeler à titre anecdotique, de l'huître, non? Alors, plus exactement, des tessons de poterie sur lesquels était gravé le nom du citoyen que l'on souhaitait écarter de la vie politique athénienne pendant 10 ans. Mais ça ressemblait quand même à une huître? Ça ressemblait, une coquille. Ça ressemblait à une coquille, oui, effectivement. Bien, merci de me le concéder. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Donc nous voyons une démocratie qui est en fait limitée à une minorité, il y a les esclaves et les métèques qui sont exclus, comme d'une certaine façon les femmes. Une démocratie qui, d'autre part, interdit la continuité des desseins avec cette remise en cause permanente. Nous connaissons un peu cela avec la limitation des mandats, mais pas à ce point. Non, alors, en même temps, on peut dire qu'elle n'a pas empêché de mener une stratégie de long terme, la stratégie péricléenne de défense, donc qui consiste pour la population à se replier au sein des murailles de la communauté, murailles de la ville, et puis les longs murs qui connectent la ville à son port, le Pirée, en laissant les Spartiates investir le territoire et éventuellement le ravager. Une stratégie certes coûteuse, mais très efficace, qui permet à Athènes d'affronter l'ennemi et de remporter des succès extraordinaires, notamment en capturant des Spartiates, qui en principe le Spartiate ne se rend jamais. Hein. Il doit finir sur son bouclier. Les hoplites. Exactement. Et en 425, à Pylos, les Athéniens parviennent à capturer plusieurs centaines de Spartiates après les avoir réduits à l'état de famine. Et donc cette démocratie est capable de suivre aussi des plans de long terme, y compris lorsque le grand homme, entre guillemets, Périclès, a disparu. Périclès meurt en 429, mais sa politique lui survit. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas dépendante de sa rhétorique extraordinaire, mais qu'elle était ajustée aux attentes populaires et qu'elle permettait effectivement de faire face à l'ennemi victorieusement. En sens inverse, les effets de la guerre sur le fonctionnement de la démocratie, et non pas seulement les effets de la démocratie, les succès ou les échecs de la démocratie en tant que régime sur la conduite de la guerre, c'est intéressant à considérer parce qu'il y a des mouvements multiples. Vous le disiez tout à l'heure à propos de l'arrivée de ces oligarques à au moins deux reprises contre la tradition démocratique. Qu'est-ce que nous avons à apprendre de cela, à la fois pour l'époque et pour aujourd'hui ? Les effets déstructurants de la guerre et d'un conflit de long terme, qui corrode les institutions, les mœurs, qui catalyse des émotions et qui, à la fin, peuvent aboutir effectivement à des catastrophes et à des catastrophes politiques. Là, on ne peut pas ne pas évoquer 1940, en fait. Bien sûr. Bien sûr, 1940, la défaite, l'exode, effectivement, c'est des choses que, d'une certaine façon, les Athéniens ont connues en 404, puisque les anciens exilés, prenant le pouvoir, vont à leur tour exiler une bonne partie de la population, c'est-à-dire leur refusant le statut de citoyen, les priver de toute protection juridique, entraînant pour ceux-ci la nécessité de se réfugier ailleurs pour ne pas risquer de mourir ou d'être jugé et exécuté dans des délais extrêmement brefs. Épuration 1944-45 notamment, auquel on échappe parfois en se réfugiant en Suisse. C'est vrai, et de fait, un certain nombre d'oligarques ont fait le choix de l'exil après la restauration de la démocratie, mais une démocratie qui, en 403, s'est voulue extrêmement réintégratrice, et donc ceux qui avaient usé d'une telle violence contre une bonne partie des citoyens d'Athènes vont en réalité avoir un traitement extrêmement doux de la part des Athéniens. Nous allons y revenir, mais auparavant, je voudrais que vous attardiez un moment sur la question de la symbolique de la démocratie dans ces années-là. Je pense en particulier à l'affaire des Hermès, les liens entre la religion, entre le sacré d'un côté et la marche des institutions. C'est intéressant parce que c'est tout l'écart entre la vision idéalisée que nous a donnée Périclès, d'une démocratie apaisée qui refuse les vexations, qui ne s'emballe pas, et la réalité d'un régime qui, à partir de 415, en réalité connaît des grandes commotions, des émotions exacerbées, et notamment à la faveur d'un certain nombre de scandales religieux qui sont pris comme des attaques contre le régime politique des Athéniens. Donc effectivement, en 415, des Hermès, c'est-à-dire des statues qui se trouvent, des piliers qui se trouvent au carrefour des rues, sont saccagés par des membres de l'élite athénienne, en même temps qu'on apprend par le témoignage d'esclaves qu'ont été parodiés les mystères d'Eleusis, donc des mystères en principe qu'on ne doit pas révéler, qui se déroulaient non loin de la cité d'Athènes, mais sur le territoire athénien. Donc excitation de jeunes gens dévergondés que favorise souvent ce genre de conjoncture. Notamment Alcibiade, mais Alcibiade qui se trouve être aussi stratège et partisan de lancer une expédition en Sicile. Et c'est là où on voit comment le religieux, le politique et le militaire sont liés et aboutit finalement à la catastrophe parce que Alcibiade va partir en Sicile, mais ensuite être rappelé par les Athéniens en raison de ce scandale religieux. Et Alcibiade va passer du côté spartiate et donner des conseils aux Spartiates. Et c'est les conseils d'Alcibiade qui ont joué notamment un certain rôle dans le changement de stratégie des Lacédémoniens menant à la défaite athénienne. Je souhaite la victoire de Sparte, aurait dit Alcibiade, comme Laval à propos de l'Allemagne dans les années 43-44. Il a souhaité beaucoup de choses successivement, ce bel Alcibiade qui fascinait la cité. Aristophane dit « la cité l'aime ». Le hait et veut le posséder. Hein, voilà, un très très bel homme, fascinant, avec une rhétorique extraordinaire, pupille de Périclès d'ailleurs. Et cet Alcibiade va passer du côté spartiate, mais ensuite revenir du côté athénien et même mener les Athéniens un certain nombre de victoires avant la défaite finale d'Aigos Potamos et la victoire définitive des Spartiates. Vous avez commencé de le dire, Vincent Azoulay, une démocratie, celle d'Athènes comme d'autres depuis lors, une fois la guerre achevée, a affronté la question de la façon dont on doit traiter ceux qui étaient les adversaires, en l'occurrence les oligarques. Votre livre s'appelle « Athènes 403, une histoire chorale », je le disais. Vous braquez l'attention sur 403 et en particulier naturellement sur la grande question de la grâce, de l'oubli, du pardon. Ce moment a été souvent évoqué récemment, notamment par la grande historienne trop tôt disparue, Nicole Laureau. Évoquez, si vous le voulez bien, les choix qui ont été faits. Même Nésikakein, vous allez nous expliquer cette expression grecque. Oui, alors, même Nésikakein, c'est ce que jurent les Athéniens en 403, donc le 12 de Boédromion, en fait le jour d'avant, lorsque les troupes de Thrasybule, donc les résistants, rentrent dans Athènes au gré de la réconciliation qui a été signée avec les oligarques. Ne pas rappeler les choses mauvaises, même Nésikakein. Exactement, ne pas se souvenir des mots. On peut dire aussi, selon la traduction que l'on donne, ne pas faire de mal avec la mémoire. C'est-à-dire ne pas garder rancune, c'est-à-dire ne pas faire des procès. Ne pas faire des procès à ceux qui ont trempé dans l'oligarchie et qui ont parfois ont tué des frères, des cousins, ont saisi une partie de la fortune de démocrates et de résistants qui sont obligés, au terme de ce serment, un serment qui engage chaque Athénien, de ne pas poursuivre judiciairement les coupables. On dit même que, je crois que c'est Aristote, qui dit que Arkinos, c'est-à-dire un modéré, avait fait mettre à mort quelqu'un qui avait violé cette règle. C'est la question très contemporaine de la distinction entre la grâce, qui est individuelle, l'amnistie qui est collective, et le pardon, et l'oubli. Et inévitablement, nous évoquons une période contemporaine. Je vais vous faire écouter deux archives qui me paraissent pouvoir faire écho à ces questions que nous évoquons. D'une part, la conférence de presse restée fameuse du président Georges Pompidou, le 21 septembre 1972, à l'occasion de l'affaire Touvier, il justifie l'oubli nécessaire. Et ensuite, 10 ans plus tard, Pierre Mauroy, Premier ministre socialiste, à la tribune de l'Assemblée nationale, à propos de la réintégration dans l'armée des généraux putschistes d'avril 1961. Ce rapprochement, je crois, est éclairant. Notre pays, depuis un peu plus de 30 ans, a été de drame national en drame national. Ce fut la guerre, la défaite et ses humiliations, l'occupation et ses horreurs, la libération, par contre-coup l'épuration et ses excès, reconnaissons-le. Et puis la guerre d'Indochine, et puis l'affreux conflit d'Algérie, et ses horreurs des deux côtés, et l'exode d'un million de Français chassés de leur foyer, et du coup l'OAS et ses attentats et ses violences, et par contre-coup la répression. Alors, allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient? Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. Un peuple est toujours plus fort lorsqu'il parvient à surmonter ses divisions et à réinsérer les citoyens égarés. Nous ne sommes pas là pour diviser à nouveau. Nous sommes là pour réconcilier et rassembler. Le pardon n'est pas l'oubli. Il n'implique aucune approbation des faits qui hier ont provoqué des condamnations. Mais la société française doit aider à l'apaisement des esprits. Elle doit aider à refermer les plaies. C'est le rôle du gouvernement. C'est l'engagement qui avait été pris devant le pays lors du dernier scrutin présidentiel. Cet engagement doit donc être tenu et il le sera. On sait que cette décision due à François Mitterrand, qu'il avait en effet promise, a provoqué des remous au sein du Parti Socialiste. Mais ce n'est pas directement notre sujet. Est-ce que Arquinos aurait pu dire « oublions cette époque où les Athéniens ne s'aimaient pas » Probablement. Et il s'est chargé en tout cas, de, après lui et ses proches, de réécrire l'histoire en ce sens. Ce que je trouve intéressant dans ces deux extraits, c'est que ce sont des actes de souveraineté. Souveraineté dans un cadre démocratique, mais de souveraineté, puisque pour Pompidou, c'est une grâce. Et c'est donc, une décision prise in situ personae par le président de la République. Individuelle, mais symbolique. Individuelle et hautement symbolique. Et dans le cas de Pierre Mauroy, cette exigence d'oubli ressortit à une forme de souveraineté. Alors, il y a concordance avec ce que fait Arquinos, aussi discordance, parce que Arquinos, lui, agit à vif, en 403. Là, on se trouve 20 ans ou 25 ans après pour Pompidou, et puis dans le cas de Touvier, et puis une vingtaine d'années aussi après 60 pour Pierre Mauroy en 82. C'est comme si en 1945, on avait dit on oublie tout de suite, on n'a pas le droit de rappeler ce qui s'est passé sous l'occupation avec notamment les collaborateurs. Exactement. Et c'est toujours très compliqué parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ce moment d'oubli voulu par le président Pompidou est le moment en même temps où Vichy va revenir sur la scène à la fois historique et médiatique. Mémorielle. Et puis c'est aussi, malgré la grâce, le moment où les procès vont se multiplier puisque Touvier va finir par être condamné. Condamné en 1994. Oui, en 1994. Donc c'est intéressant de montrer comment, effectivement, ces actes de souveraineté qui veulent oublier à toute force pour que la société puisse fonctionner ont toujours un coût et que cela ne se fait pas comme ça l'oubli, que c'est toujours un travail, un processus. Et c'est ce qu'on voit aussi à Athènes en 403. La façon dont ces modérés, vous avez parlé d'Arquinos, ont imposé cette amnistie avec l'accord des Athéniens, mais parfois par la violence, avec des actes également souverains, comme l'exécution de ce démocrate résistant qui avait simplement eu comme tort de ne pas vouloir oublier, ou en tout cas de ne pas garder rancune contre ceux qui avaient persécuté lui ou sa famille. Alors pour incarner, comme vous le faites dans votre livre 403, Vincent Azoulay, pour incarner de plus près encore ces débats intimes qui ont secoué la démocratie, et pour marquer les échos avec notre époque, je voudrais que vous braquiez un instant l'attention sur un personnage dont je crois vous révélez, en tout cas vous marquez l'importance, c'est le personnage de Trasibule, avec, j'annonce déjà, peut-être quelques échos du côté du général de Gaulle. Je ne force pas le trait, enfin, vous allez nous le dire. C'est effectivement une analogie qui a été souvent faite. Trasibule, et Paulin Ismar s'est chargé de ce chapitre. Trasibule, effectivement, un personnage passionnant, puisque c'est un personnage qui porte une définition de la démocratie inclusive et ouverte. Puisque c'est lui qui, à Samos, donc en 411, a participé au rétablissement de la démocratie, donc après ce premier épisode oligarchique dont on a parlé, et il l'a fait donc avec des matelots, des hommes sur les trières qui n'étaient pas que citoyens. Sur les trières athéniennes, donc les bateaux de guerre de la cité, coexistaient à la fois des citoyens, mais des esclaves et des métèques. Et c'est évidemment une grande importance symbolique et concrète pour la suite. C'est une importance immense, d'autant que cette expérimentation politique de la flotte de Samos va se poursuivre sur plusieurs années. Ça, c'est quelque chose que souvent, d'ailleurs, les historiens ont un petit peu oublié, c'est que la flotte de Samos, donc qui rétablit la démocratie, elle va continuer d'une certaine façon cette expérimentation politique, mêlant des citoyens et des non-citoyens, pendant au moins 3 ou 4 ans. Et c'est fort de cette expérience et de cette vision de la démocratie que Thrasybule, donc en 404, va mener la révolte, la résistance, en partant depuis Thèbes, puis donc une cité limitrophe d'Athènes, et en menant donc la résistance d'abord dans une forteresse à Philae, puis au Pirée, hein, Pirée, lieu symbolique de la démocratie. Et c'est là, donc, avec des esclaves, avec des métèques, avec des citoyens, qu'il va porter le fer contre les oligarques, promettant aux non-citoyens la citoyenneté. Alors ce n'est pas forcer le trait, peut-être, vous allez nous le dire, que de faire cette comparaison, parce que il aurait pu marquer, comme Sertorius aussi dans Corneille, qui disait « Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis », épigraphe possible sur la France libre. Il a dit « Au fond, la France n'est pas, Athènes n'est plus, à Athènes même, elle est là où je suis ». Et là où son cœur se trouve, un cœur bigarré, donc mêlant à la fois des citoyens et des non-citoyens. Et donc au Pirée, puis ensuite à Athènes, donc avec une promesse pour les esclaves et les métèques méritants de citoyenneté, et une promesse qui sera rompue. Puisque Thrasybule va proposer la naturalisation des résistants non-citoyens en 403, après la restauration de la démocratie, mais Carquinos, précisément, soucieux de préserver les équilibres politiques de la démocratie, va faire casser une décision, donc votée par l'Assemblée, mais ensuite cassée devant les tribunaux, et ces non-citoyens ne le deviendront jamais. Donc on a une démocratie qui se restaure, mais se restaure sous une forme modérée, en tout cas soucieuse, de préserver les équilibres politiques et de ne pas devenir trop inclusive, donc de ne pas suivre le rêve de Thrasybule. Qui était de faire une nouvelle démocratie, de fait. C'est un peu la sécurité sociale, là je m'amuse, je force le trait de 1945, le progrès social aurait été là un progrès démocratique. Oui, alors c'est toujours très compliqué, puisqu'on sait que le progrès social va parfois avec le refermement de la communauté sur elle-même, puisqu'il s'agit de définir les ayants droit du progrès social. Et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs sous Périclès, où Périclès avait plutôt fermé la communauté démocratique. Il faut désormais en 451 avoir deux parents athéniens pour être citoyen. Avec en même temps l'appui sur les richesses de l'Empire, puisqu'il disait que l'Empire est une tyrannie dont l'acquisition semble injuste, mais l'abandon dangereux. C'était un peu la démocratie française colonisant son empire au XIXe siècle. Oui. L'abandon dangereux, un certain nombre d'hommes politiques hostiles à la colonisation, je pense à Clémenceau en face de Jules Ferry, finalement ont dû s'accommoder de cela au moment de la guerre. Tout à fait. Alors une des manières de montrer que cet effort pour recoudre les plaies, pour oublier ce qui s'était passé, cet effort a été en partie insuffisant, en tout cas n'a pas rencontré forcément le succès. Je pense au procès de Socrate. J'avais fait une émission sur Socrate avec Paulin Ismar. Le procès de Socrate en 399, où on sait qu'il est condamné à boire la ciguë. Écoutez cette manière dont Aristophane, que vous nous resituerez, l'auteur comique, la manière dont Aristophane considère Socrate 25 ans plus tôt, 25 ans avant le procès de Socrate. C'est un extrait des Nuées, pièce fameuse de 423, une adaptation radiophonique de Bernard Zimmer qui avait été diffusée le 3 novembre 1954. Tout à l'heure, Socrate demandait à Chéréphon combien de fois une puce sautait la longueur de ses pattes. Oh, très intéressant. N'est-ce pas? Voilà. La puce avait piqué Chéréphon au sourcil. Et de là, hop, sauté sur la tête de Socrate. Et alors, continue, c'est passionnant. Comment a-t-il mesuré cela? Fort ingénieusement. Voilà. Il a fait fondre de la cire. Mmh. Ensuite, il a pris la puce et lui a trempé les pattes dedans. La cire, en refroidissant, a fait à la puce des bottines montantes. Uh-huh. En déchaussant les bottines, puis en divisant l'espace parcouru par la longueur des empreintes obtenues, il a résolu le problème. Élégamment. Oh Dieu, quelle subtilité d'esprit. Oh, mais je l'avais pas vu, celui-là, juché en l'air dans un cajot, qu'est-ce? Lui? Qui lui? Socrate. Socrate? Oh, appelle-le-moi bien fort. Appelle-le toi-même. Oh, je n'ose pas. Courage. Socrate, mon petit Socrate. Que me veux-tu, créature d'un jour? Avant tout, je t'en conjure, explique-moi ce que tu fais là-haut. Je marche dans les airs. Je contemple le soleil. Ouais. C'est du haut de ton panier que tu regardes les dieux, si toutefois... Crois-tu que j'aurais jamais percé les mystères du ciel si la subtilité de ma pensée ne s'était amalgamée à la subtilité de l'air? Si j'étais resté les pieds sur la terre, je n'aurais rien découvert du tout, car la terre attire à elle la sève de la pensée. Tiens, c'est exactement ce qui se passe pour le cresson. Comment? C'est la pensée qui fait monter la sève dans le cresson? Oh, mon petit Socrate, c'est merveilleux. Descends, veux-tu, viens m'instruire, j'ai soif d'apprendre. D'apprendre quoi? À parler comme il faut, à briser. Qui? Ben, les créanciers qui me persécutent et menacent de me saisir. Alors, Socrate, vite, des deux raisonnements que tu enseignes, vite, apprends-moi le bon. Tu veux dire le juste? Non, l'autre, celui qui sert à ne pas payer. Oh, mais sois tranquille, toi, je te paierai et le prix que tu exigeras, je le jure par les dieux. On n'est pas tellement loin, là, Vincent Azoulay, des guignols de l'info. C'est effectivement une belle concordance, parce que la violence de la comédie, alors contre Socrate, mais contre tous les hommes influents de la communauté, est extrêmement forte, d'une virulence, d'ailleurs, que n'atteignent pas les guignols de l'info, parce que là, on n'a pas d'injure, mais on ne se prive pas d'injurier les hommes puissants. Et c'est une forme de contrôle informel qui est exercée sur ceux-ci. Cela fait partie de la démocratie, cette dérision comique institutionnalisée, où les spectateurs, qui sont aussi citoyens, payés d'ailleurs pour assister à ce spectacle, qui est aussi... un grand festival en l'honneur du dieu Dionysos. Donc c'est cette dérision comique qui fait peser des normes de comportement sur les hommes influents de la communauté. Et Socrate ne fait pas exception. Socrate qui est ici, donc en 423, on est dans cette première phase de la guerre du Péloponnèse, pris comme un sophiste. Si Platon, le disciple de Socrate, a essayé à toute force de séparer sophiste et philosophe, Socrate ne travaillant que pour l'amour de la sagesse et de façon désintéressée, du point de vue d'Aristophane et des Athéniens, en réalité, Socrate est un sophiste comme les autres, se faisant payer pour enseigner quoi? La rhétorique, cette rhétorique qui va permettre, en l'occurrence, à Strepsiades de pouvoir échapper à ses créanciers. Anti-intellectualisme, on a le droit de dire ça? On peut dire ça d'une certaine façon, contre en tout cas la nouvelle forme d'éducation qui se développe dans le dernier tiers du 5e siècle, avec une charge violente contre Socrate, puisque la fin des nuées, c'est le pensoir de Socrate qui est incendié, et ceux qui s'y trouvent rôtis vivants. Alors bien sûr, on peut voir cela comme une anticipation du procès de Socrate. Ce serait à mon avis une erreur, parce que si Socrate meurt à l'issue de la pièce, on est là dans une forme de dérision qui ne peut pas être vue comme ayant directement une influence politique. Les hommes politiques athéniens étaient très souvent caricaturés, vilipendés, insultés au théâtre, ça les empêchait pas d'être réélus comme stratèges le mois suivant. Donc on a là quelque chose qui relève du défoulement et de la purification. Aggravé par la guerre ? Qui effectivement va prendre peu à peu une résonance de plus en plus sinistre. Et si l'on veut trouver une façon pour Aristophane, en tant que poète comique, d'intervenir dans la vie politique de la cité, il faut se reporter donc non pas en 423 dans les nuées, mais un peu plus tard, en 405, avec les grenouilles qui se situent juste avant la fin de la guerre, juste avant Aigos Potamos, donc la grande défaite athénienne, qui est d'ailleurs rejouée l'année d'après. Donc, suite à la défaite, et où le poète demande la réintégration des exilés, ceux qui vont devenir les 30, notamment, et l'exécution aux enfers d'un certain nombre de citoyens athéniens, dont Nicomachos et Cléophon, donc de bons démocrates. Et là, effectivement, dans ce contexte extrêmement tendu, le poète fait de la politique. Qui sont les grenouilles? Alors les grenouilles, c'est un chœur, justement, on parle d'histoire chorale, un chœur de grenouilles cygnes qui accompagne Dionysos aux enfers, celui-ci voulant ramener Euripide, au départ, qui vient de mourir en 406, hein, on est en 405, parce qu'il trouve que les poètes tragiques, désormais, sont en dessous de tout et qu'il faudrait un peu redresser le niveau. L'Aristophane se passe plutôt du côté des oligarques ? Alors, je ne dirais pas du côté des oligarques, mais en tout cas des opposants à la démocratie radicale, et donc à un certain nombre de démagogues comme Cléophon, dont on fait le procès au même moment que les grenouilles sont représentées, et qui va être exécuté. Et sous cet éclairage, comment interpréter, dans la ligne de notre réflexion sur les relations entre guerre et démocratie, comment interpréter, ce sera notre dernier moment de cette conversation, hélas, comment interpréter la condamnation de Socrate ? Ben, la condamnation de Socrate montre que, après l'amnistie, rien n'est réglé. D'une certaine façon, tout a été fait donc pour ne pas rappeler les mots, c'est-à-dire ne pas garder rancune, c'est-à-dire ne pas faire de procès, mais en réalité, les procès vont se multiplier dans les années entre 403 et 399. Et le procès de Socrate, c'est le procès d'un homme qu'on juge coupable, fondamentalement, d'avoir éduqué un certain nombre des tyrans, et notamment l'affreux Critias, qui faisait partie de ses disciples. Critias, qui fut l'un des grands hommes de la tyrannie des Trente. Et c'est à ce titre, d'abord, qu'il va être jugé, même si on trouve, bien sûr, non pas son rôle au moment de la tyrannie des Trente, on ne peut pas le faire du fait de l'amnistie, mais on trouve d'autres expédients pour le traîner devant les tribunaux, notamment le fait qu'il aurait introduit de nouveaux dieux, le fameux démon de Socrate, et puis qu'il aurait corrompu la jeunesse. Donc, les procès fleurissent durant toute cette période et d'une certaine façon culminent en 399 avec le procès de Socrate, qui est d'ailleurs l'un des derniers grands procès politiques de cette période. Après, ce sera plus apaisé. Et ce qui est quand même intéressant de rappeler, c'est que, en principe, Socrate n'aurait pas dû mourir. C'est-à-dire. Il aurait proposé l'exil. Alors, non seulement il aurait pu, après sa condamnation, partir en exil, car les prisons athéniennes ont toujours été extrêmement perméables, et ce jusqu'à Démosthène, mais aussi parce que il fait le choix au moment d'indiquer la peine, parce qu'on est d'abord condamné, ça s'est joué à pas grand-chose. Il a d'abord été condamné. Puis après, l'accusateur et l'accusé doivent proposer une peine. Et l'accusateur demande la mort, et l'accusé aurait dû demander une amende. Mais Socrate a demandé le plus grand honneur que les Athéniens pouvaient donner à un homme, donc non pas une punition, mais un honneur, là, l'entretien aux prytanées. Et face à ce choix, les jurés n'avaient plus la seule possibilité de le condamner. Ils ne pouvaient pas honorer quelqu'un qu'ils venaient de juger coupable. Eh bien, nous resterons sur ce moment fameux de la condamnation de Socrate. Merci beaucoup, Vincent Azoulay. Je rends hommage, comme je l'ai déjà fait, Vincent Azoulay, à votre beau livre « Athènes 403, une histoire chorale » que vous signez avec Paulin Ismar. Vous avez donné aussi une biographie précieuse de Périclès, entre autres travaux. Paulin Ismar a parlé de Socrate, avec un autre livre sur la cité et les esclaves. Et puis je signale que la revue « L'Histoire », dans son numéro de janvier, va précisément, et vous y contribuez bien sûr, consacrer sa livraison à la guerre du Péloponnèse, la fin de la démocratie athénienne. Ce numéro est en kiosque plus tôt que d'ordinaire à cause des fêtes. Vous trouverez naturellement une bibliographie plus complète et d'autres ouvrages cités et honorés sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également, chères auditrices, chers auditeurs, écouter, réécouter et podcaster cette émission. La semaine prochaine, il y aura des rediffusions à l'époque de Noël et du Nouvel An. Nous réécouterons un entretien que j'avais eu avec Mona Ozouf sur l'actualité de Jules Ferry, qui avait été donné le 11 février 2012. Lundi matin, vous retrouverez à 9h Xavier Mauduit dans le cours de l'histoire qui se préoccupera cette semaine des autres manières de raconter l'histoire autres que les livres ordinaires. Entendez atlas, jeux vidéo, bandes dessinées et romans. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec l'appui précieux de Jeanne Guéroux, réalisée précieusement par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Yves Lehors, non moins précieux, avec à la discothèque François Merlin et Isabelle Faure pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, je passe le relais à Christine Ockrent pour Affaires étrangères.